Chacun de ces passages nous donne une perspective en ce qui concerne ce deuxième pilier. Matthieu chapitre 6, verset 19 et suivant. Matthieu chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notez bien. Dans ce passage, la Bible ne dit pas « Préservez de bonnes priorités dans vos cœurs. Préservez votre cœur en purité. » Il y a des passages qui disent cela, mais pas ce passage. Ce passage dit plutôt « Choisissez bien votre trésor parce que votre cœur va poursuivre le trésor. » Donc, si ce que vous aimez, ce qui est la chose à chérir pour vous, est toujours devant vos yeux, toujours, c'est dans cette direction que votre cœur va aller. Donc, pour nous préserver à cet égard, il faut prendre des étapes pour nous donner un goût pour l'éternité, un goût pour les choses du ciel, un goût pour la conversion, un goût pour l'Évangile, un goût pour Dieu, en fin de compte. Donc, il nous faut repasser par des passages comme Apocalypse 4 et 5, et Apocalypse 21 et 22, et des passages semblables, pour nous donner, Ésaïe chapitre 11, pour nous donner un goût pour l'éternité. Parce que si c'est là notre trésor, si elles sont les choses que nous chérissons, là, à ce point, c'est dans cette direction que nos cœurs vont aller. Mais en fin de compte, si les nouveaux cieux, la nouvelle terre, oui, ça fait partie de notre credo, mais ce que nous chérissons en réalité, c'est plutôt le chalet dans la montagne, ou c'est plutôt nos petits-enfants, et pas Dieu même. Donc, notre cœur va poursuivre toujours, toujours, toujours les choses qui nous sont valables. C'est si simple que cela. Donc, pour que ce pilier soit fermement en place, ce qu'il nous faut, c'est la discipline de renouveler dans notre pensée, dans notre esprit, les choses éternelles, la valeur de ces choses éternelles, afin que nos cœurs les poursuivent. Notre passage, Jean chapitre 14. Vous connaissez ces paroles sans doute. Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Voyez-vous? Question d'être troublé, peut-être à cause des souffrance ou de persécution, des découragements, quoi que ce soit. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que ça vous intéresse? Pas tout simplement du point de vue de credo, mais est-ce que vous voulez être avec Jésus? Mais que votre cœur ne se trouble pas. Vous voyez? Donc, il y a une réponse à la détresse, en effet, avec ce point de vue eschatologique, ce point de vue de la fin des temps, des considérations provenant de la fin de l'histoire. Vous voyez? Encore une fois, Jude, 22 et 23. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Encore une fois, une perspective éternelle. un ciel à gagner, un enfer à éviter. Vous voyez? C'est presque partout dans la parole quand on commence de trouver des passages semblables. Mais pour les prochaines quelques minutes, j'aimerais étudier ensemble Matthieu chapitre 24 et 25. Matthieu 24 et 25. Maintenant, sans doute vous savez que Matthieu 24, 1 à 35 est un des passages le plus disputés de tout l'évangile de Matthieu. Et je ne vais pas essayer d'aborder cette question ici. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un commentaire sur Matthieu assez long et détaillé pour décourager tout le monde. Et vous pouvez lire ce passage, ce que je veux dire sur ce passage dans ce commentaire. Je ne mentionne pas cela. Mais à partir de verset 36, 24, 36, jusqu'à la fin de 25, 25, 46, ce que nous avons, c'est cinq paraboles. Et ces cinq paraboles nous enseignent comment attendre pour la fin de l'âge. Donc, si nous attendons, en fin de compte, il y a des détails disputés parmi les évangéliques, mais en fin de compte, si ce que nous attendons, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, l'eschatologie finale, comment attendre pour cela? Et ces cinq paraboles nous enseignent comment attendre pour la fin. Comment attendre la fin? Premièrement, chapitre 24, verset 36 à 44. Attendez comme ceux qui ne savent pas l'heure de l'arrivée du Maître. Attendez comme ceux qui ne savent pas l'heure de l'arrivée du Maître. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours que précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Notez bien. Assez souvent, nous parlons ainsi. Nous disons, « Oh, c'est comme les jours de Noé, le péché partout. » Mais ce n'est pas le point ici. Le point, ce n'est pas qu'il y a beaucoup de péchés ces derniers jours, comme dans les temps de Noé, mais que tout va assez bien avec le mariage, avec des fêtes, avec la vie normale jusqu'à la fin. Vous voyez? Ce n'est pas que c'est un âge si terrible que franchement, il y a des avertissements partout. C'est plutôt comme l'âge de Noé, quand les hommes mangeaient et buvaient. Pas mal naturel, ça, me semble. Ce n'est pas un signe, ça. Mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Maintenant, il y a des chrétiens qui pensent que ça veut dire prendre une personne, c'est prendre par Jésus-Christ lui-même. Et c'est possible. Mais dans la séquence de ce passage, dans l'intrigue de ce passage, ça peut être aussi signalé prendre dans le jugement, comme prendre dans les jours de Noé, vous voyez? Jusqu'à le déluge vienne et les emporte. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et en fin de compte, ça ne fait rien pour ce passage, quelle interprétation vous prenez, vous adoptez, parce que le point, ce n'est pas si le bon où le méchant est transporté, mais qu'il y a une division. Ça, c'est le point. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Et maintenant, une parabole. Une parabole. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maintenant, ce n'est pas comme si le Fils de l'homme a les mêmes motivations que le voleur. Mais de même façon que nous ne pouvons pas prédire l'arrivée du voleur, et si on pouvait le faire, on serait préparé. De même façon, on ne peut pas prédire l'heure de l'arrivée du Fils de Dieu. Donc, attendez comme ceux qui ne savent pas l'heure de l'arrivée du Maître. Je ne sais pas quand il viendra, mais je ne sais pas quand il ne viendra pas. Deuxièmement, verset 45 à verset 51. Matthieu chapitre 24, 45 à 51. Attendez comme ceux qui savent qu'ils ont une responsabilité d'agir d'une façon fidèle. Attendez comme ceux qui savent qu'ils ont une responsabilité d'agir d'une façon fidèle. Ce n'est pas tout simplement une question d'attendre son arrivée, mais en attendant qu'ils agissent d'une façon fidèle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, ça c'est le premier point, et à l'heure qu'il ne connaît pas, encore le premier point, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'agir d'une façon fidèle. Troisièmement, parabole des dix vierges, chapitre 25, versets 1 à verset 13. Attendez comme ceux qui savent qu'un long délai est possible et qui sont préparés pour un tel délai. Attendez comme ceux qui savent qu'un long délai est possible et qui sont préparés pour un tel délai. Donc, cette parabole, les dix vierges, dans nos jours, les noces sont surtout pour les femmes, avec leurs robes et leurs fleurs et tout ce qui est arrangé, en effet, pour les femmes. Et les maris sont aussi présents. Mais dans l'ancien monde, c'était le contraire. L'homme devait chercher la femme au foyer de son père, du père de la femme. Et il y avait une célébration assez privée pour la famille. Ça pouvait continuer pour quelques heures, même une journée. Puis après, il y avait une procession sur les chemins de la ville jusqu'au foyer du mari. Et là, on commençait vraiment à voir le party. The party, la célébration, quoi. Puis, c'était à ce point que ça devenait pas tout simplement quelque chose pour la famille, mais avec les amis, la parenté, et ainsi de suite. Donc, on trouvait assez souvent que ces invités se plaçaient sur la côté de la route pour se joindre à cette procession. Puis, en fin de compte, toute la procession entre dans le foyer du mari et la célébration pourrait durer pour un jour, même une semaine s'il y avait assez d'argent. Et dans cette parabole, il y a 10 vierges qui apparemment ne sont pas invitées à la première endroit, au premier endroit. Mais qui se mettent à côté du chemin pour se joindre à la procession. Puis 5 sur 10 de ces vierges sont préparées pour un long délai. Ce n'est pas comme si l'huile signifie l'Esprit Saint. Ce n'est pas comme si l'huile signifie de bonnes œuvres. Il y a seulement un point. C'est un point établi par le délai. 5 sur 10 sont préparés pour un tel délai. Les autres ne sont pas. Ça, c'est le seul point. Et à cause de cela, les 5 qui ne sont pas préparés pour cet délai, elles ne peuvent pas entrer à cette célébration. Elles sont rejetées. Elles ne sont pas reconnues. Qui signale? Malgré le fait que nous devons être prêts pour l'arrivée du Seigneur n'importe quand, ça nous avons déjà appris de chapitre 24, 36 et suivants, attendez comme ceux qui ne savent pas l'heure de l'arrivée du Maître. Malgré, numéro 2, attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'agir d'une façon fidèle. Maintenant, troisièmement, attendez comme ceux qui savent qu'un long délai est possible et qui sont préparés pour un tel délai. Il y a une manière d'attendre tellement intensive, avec de si grandes attentes que Jésus revienne immédiatement, que franchement, il commence à perdre de responsabilité parce qu'il ne protège pas la possibilité que le Seigneur attendra longtemps. On le trouve déjà chez 1 Pierre et 2 Pierre, n'est-ce pas? Ne vous découragez pas. Pour le Seigneur, 1000 ans, un jour, ça ne fait pas grande différence. Quatrièmement, attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'augmenter, de faire grandir les biens du Maître. Attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'augmenter, de faire grandir les biens du Maître. Chapitre 25, 14 à 30. Chapitre 25, 14 à 30. Pas tout simplement agir d'une façon fidèle vis-à-vis les autres serviteurs, comme dans le deuxième point. Mais maintenant, ils ont la responsabilité d'augmenter, de faire grandir les biens du Maître. Parabole des talents. Un serviteur reçoit 5 talents, un autre 2, et un troisième seulement 1. À chacun, le texte nous dit, verset 15, selon sa capacité, et le maître partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allait, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui avec 2 autres. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un allait faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, notez encore le délai, longtemps après. C'est pas rare dans le Nouveau Testament. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5, voilà, il dit, maintenant j'ai 10. Et le maître le bénit. Et aussi les 2 talents, verset 22, la même chose. Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et ainsi de suite. » Verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. » Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a des 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il en aura dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, notez bien, inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, pour nous, il me semble que c'est assez difficile de comprendre cette parabole parce que nous pensons à des ouvriers ordinaires qui ont le droit de travailler ou de choisir de ne pas travailler. Peut-être ils sont dans des unions, puis même s'ils n'aiment pas le maître ou la compagnie, mais ils peuvent aller ailleurs, hein, ou ils peuvent décider qu'ils ne vont pas travailler, ils ne sont pas payés, mais c'est leur choix. Mais il faut reconnaître que ces serviteurs, encore une fois, sont des esclaves. Ça ne parle pas de la justice d'un système d'esclavage, de même façon que l'autre parabole ne parle pas de la justice des voleurs. Mais c'est tout simplement une illustration. L'esclave doit à son maître son travail. Si le maître lui donne quelque chose à faire, il doit le faire. Et dire que franchement, le maître est un peu dur, donc je vais tout simplement préserver son argent dans la terre. Ce n'est pas un choix, ça. C'est déjà la rébellion. L'esclave doit offrir son travail à son maître. Il doit. Autrement, il risque d'être rejeté. De même façon, si nous sommes à Dieu, ce n'est pas comme si nous sommes des ouvriers sous contrat, qui peuvent choisir si nous allons servir ce maître ou un autre. Si nous sommes sauvés du tout, nous sommes ses esclaves. Pas les esclaves maintenant au péché, mais les esclaves à Dieu. C'est notre responsabilité d'augmenter les biens de notre maître. Ce n'est pas que nous vivons pour nous amuser à travers nos 70 ans, puis ensuite on se présente devant lui et on dit, « Eh bien, je suis sauvé. » C'est notre responsabilité. Nous sommes ses esclaves. Donc, s'il nous donne des talents, l'argent, des talents dans un sens du premier siècle, s'il nous donne des dons, et il nous dit, en effet, eh bien, faites ce que vous pouvez avec ces dons pour les élargir. Ces choses sont les miennes, après tout. Vous êtes mes esclaves. C'est votre responsabilité d'augmenter ces biens, de les augmenter, de faire grandir les biens du maître. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un serviteur fidèle. Vous n'êtes pas un esclave fidèle. Comment attendre, donc? Attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'augmenter, de faire grandir les biens du maître. Cinquièmement, chapitre 25, 31 à 46, jugement des nations. Attendez comme ceux qui sont identifiés par leurs liens avec les plus petits des frères de Jésus. Je répète. Attendez comme ceux qui sont identifiés par leur lien avec les plus petits des frères de Jésus. Souvent, aujourd'hui, cette parabole est interprétée dans une façon qui, il me semble, est fausse et dangereuse. On dit que la décision finale entre les brebis et les boues, la décision finale entre les deux, se dépend complètement de ce fait, si on est doux envers les prisonniers et les pauvres et ainsi de suite. Si nous sommes doux et généreux envers les pauvres et les prisonniers, les malades, nous nous trouvons parmi les brebis de Jésus et nous connaissons Jésus. En rencontrant un pauvre ou une personne malade ou un prisonnier, nous rencontrons en effet Jésus lui-même. Et franchement, cette interprétation ne fait pas du sens de ce passage du tout, malgré le fait que c'est extrêmement commune. Et comment comprendre une telle interprétation dans le livre de Matthieu, et pas tout simplement tout le Nouveau Testament, où à maintes reprises, le salut est par la grâce. Comment est-ce que nous sommes sauvés chez Matthieu? Matthieu 20, 28, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, vous voyez? On le trouve partout. À quoi bon la croix si, en fin de compte, cette décision se dépend tout simplement de comment nous agissons envers les pauvres et les malades et les prisonniers du monde? Maintenant, j'insiste quand même qu'il y a bien des passages qui soulignent l'importance d'être généreux envers les pauvres, d'être des personnes justes dans la société, d'être des personnes généreuses envers les prisonniers et les malades. Les premiers chapitres, par exemple, d'Ésaïe, le prophète Amos, et bien d'autres passages soulignent ces points. Je ne nie pas cela du tout. Mais de prétendre que la décision finale entre les brebis et les boues se dépend complètement de cette distinction, franchement, c'est difficile de réconcilier cela avec toute la Bible, et franchement aussi, ce n'est pas une bonne exégèse de ce chapitre. Premièrement, notez bien ce que Jésus dit. Quand les brebis arrivent envers le juge, Jésus leur dit, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, et ainsi de suite. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, et ainsi de suite. Et Jésus répond, verset 40. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'avez-vous remarqué? Pareillement au bout, un peu plus tard, verset 45. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits, c'est-à-dire les plus petits de mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi. Cette expression se trouve assez souvent dans le Nouveau Testament, s'y inclut Matthieu. Et pour Matthieu, ça signifie ses disciples. C'est si simple que cela. Et il y a d'autres passages où la Bible nous exhorte d'être généreux avec les pauvres en général. Oui. Mais ici, ce n'est pas le point du tout. Ce sont les pauvres et les malades et les prisonniers parmi les plus petits des frères de Jésus, parce que Jésus s'identifie avec son peuple. De même façon, par exemple, dans les Actes des apôtres, quand Jésus, le Jésus ressuscité, se présente à l'apôtre Paul sur le chemin à Damas, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit, « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mon peuple? » Est-ce que c'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi m'as-tu persécuté? Si on persécute le peuple de Jésus, on persécute Jésus. Jésus s'identifie avec son peuple, vous voyez. Ou pour utiliser un des métaphores de l'apôtre Paul, il y a un corps de Jésus, il est la tête. Et si nous persécutons le corps de Jésus, nous persécutons aussi la tête, nous persécutons Jésus lui-même, vous savez. Et donc, c'est une question ici, comment réagir à ces disciples de Jésus, les plus petits de ses frères même? Comment réagir à ces personnes? Le monde ne va pas même les reconnaître. Donc, les chrétiens et les non-chrétiens, tous les deux vont répondre, quand est-ce que nous t'avons vu nu ou prisonnier? Parce qu'ils n'ont pas fait pour dire, en effet, eh bien, je serai généreux, je serai douce, je serai garde-malade pour les malades parce que je veux servir Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qu'ils font. Ils reconnaissent tout simplement que ces personnes sont leurs frères et sœurs en Christ. C'est si simple que cela. Et en agissant de cette façon, ils servent, ils honorent le Christ lui-même, qui s'identifie avec les plus petits de ses frères. Attendez donc comme ceux qui sont identifiés par leur lien avec les plus petits des frères de Jésus. Ça me trouble toujours, toujours, quand je vois des soi-disant chrétiens qui n'ont pas de patience, pas d'amour, pas de compassion pour d'autres chrétiens. Ou peut-être il y a de compassion pour des chrétiens à Zimbabwe, mais pas pour des chrétiens dans leur assemblée locale. Ou des fois l'envers. De la compassion pour mes copains en Christ, mes amis en Christ. Mais après tout, Jésus dit que même les païens ont leurs copains, ont leurs amis. Mais les vrais chrétiens s'identifient avec d'autres vrais chrétiens. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 13, 34 et 35? Les chrétiens s'aiment l'un l'autre. Et Jésus s'identifie avec les plus petits de ses frères. Donc, en agissant de cette manière envers ses frères, nous agissons de cette manière envers Jésus lui-même. Voilà la distinction entre les brebis et les boucs dans ce passage. Attendez donc, comme ceux qui sont identifiés par leur lien avec les plus petits des frères de Jésus. C'est-à-dire, il y a des responsabilités communautaires parmi les chrétiens. Ce n'est pas tout simplement une question d'attendre d'une façon éorique, d'une façon d'héros, individuel. Tout le monde te laisse, mais moi, je suis fidèle jusqu'à la fin. Mais aucune notion de communauté, d'aimer les frères et sœurs en Christ, de compassion, rien, rien, rien. Donc, je répète, numéro 1, 24, 36 à 44, attendez comme ceux qui ne savent pas l'heure de l'arrivée du Maître. 24, 45 à 51, attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'agir d'une façon fidèle. Troisièmement, 25, 1 à 13, attendez comme ceux qui savent qu'un long délai est possible et qui sont préparés pour un tel délai. Numéro 4, 25, 14 à 30, attendez comme ceux qui savent qu'ils ont la responsabilité d'augmenter, de faire grandir les biens du Maître. Et finalement, 25, 31 à 46, attendez comme ceux qui sont identifiés par leur lien avec les plus petits des frères de Jésus. Considération donc provenant de la fin de l'intrigue biblique, ça nous enseigne comment persévérer, comment agir, comment choisir ce qui est le plus beau, le plus saint, la plus magnifique, à la fin, dans la vie des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, vivre avec ses buts en vue, éviter l'enfer, chasser la bonté de la présence de Dieu. Voyez-vous, ça change tout, hein, quand on essaie de comprendre les souffrances et de se discipliner et même comment traiter les prisonniers, les malades, d'autres, parmi les autres chrétiens. Ça change tout. Voici donc nos premiers deux piliers. Et je pense que c'est déjà temps pour prendre des questions. C'est seulement 5h15, mais je ne pense pas que je veux aborder le troisième pilier sans avoir une discussion à ce point ou des questions. Presque n'importe quelle catégorie de plus petit. Il y a toujours le danger que le monde veut s'attacher au plus grand. C'est facile, cela, s'attacher au plus grand, parce qu'on devient plus grand. L'épître de Jacques nous avertit contre cela, n'est-ce pas? Mais les plus petits dans ce passage sont surtout les plus petits parmi les frères de Jésus, c'est-à-dire les véritables chrétiens, les véritables disciples de Jésus, qui sont plus petits parce qu'ils sont pauvres, ou malades, pas distingués, même peut-être persécutés, même peut-être prisonniers. Vous voyez? Ce n'est pas à ces personnes que nous voulons nous attacher en général. Mais s'ils sont chrétiens, les vrais chrétiens vont s'identifier avec ces frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas? Même dans une assemblée, de temps en temps, il y a des personnes qui veulent s'attacher aux ministres ou aux prédicateurs, à l'orateur ou les anciens, parce que ils veulent, ces personnes, elles veulent devenir de plus en plus importantes, eux autres aussi. Mais voir la maturité, on commence à voir presque les non-personnes, les plus petits dans l'assemblée. Comment les aider? Comment les bénir? Comment leur démontrer de la compassion? Ça fait partie d'une assemblée normale. Les chrétiens s'aiment l'un l'autre. Sans avoir cela, ce n'est pas normal. Même si ça continue suffisamment longtemps, on commence à poser la question, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Ce n'est pas que ces actes les sauvent. Mais s'il n'y a pas d'actes comme cela, est-ce qu'ils sont sauvés? C'est pas mal direct, n'est-ce pas? Pareillement, dans 1 Jean, la base, la fondation de notre salut, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Jean, chapitre 2, nous avons un avocat vers le Père, Jésus-Christ, celui qui est juste, qui est la propitiation, le sacrifice propitiatoire pour nos péchés, et non pas tout simplement pour nos péchés, mais pour tout ceux du monde. La fondation, c'est Jésus-Christ et sa mort propitiatoire, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a 3 tests. Nous obéissons à sa parole, nous nous aimons les uns les autres et nous croyons la vérité en ce qui concerne Jésus-Christ. Et ce n'est pas 2/3. C'est-à-dire, dans cette parabole, en fin de compte, c'est lui qui discerne entre les brebis et les boues. Maintenant, nous avons une responsabilité, si nous sommes anciens de l'Église, de décider quand il faut imposer la discipline. Oui, oui, d'accord. Et il y a des principes que je pourrais mentionner à cet égard. Il y a bien des passages qui touchent cette question. Par exemple, l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 5, qui se couche avec probablement c'est sa stepmother, belle-mère, mais avec sa belle-mère, oui. Il ne veut pas se repentir. En fin de compte, quoi faire avec lui? Et parce que l'apôtre Paul a peur qu'il pourrait corrompre toute l'assemblée, et à la fois, il veut que cet homme soit rejeté avec l'espérance que cet homme va se repentir et revenir. Donc, il insiste qu'il faut introduire la discipline. Dans le Nouveau Testament, la discipline ne veut pas tout simplement dire l'excommunication ou rien, mais des paroles de correction, de reproche, d'encouragement, d'admonition. Mais il y a trois catégories de péchés où ça prend l'excommunication. Une catégorie, c'est un péché tellement public et moral où il n'y a vraiment pas de choix. Deuxièmement, une doctrine qui est rejetée, qui est centrale, comme nous trouvons par exemple chez l'Épître aux Galates. Si quelqu'un prêche un autre Jésus, un autre évangile, pas l'évangile que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est pas mal fort. Et troisièmement, quelqu'un qui n'a pas d'amour du tout, mais il veut toujours diviser l'assemblée. Avertit une personne qui divise l'assemblée une fois, deux fois, et après cela, il ne faut pas avoir d'affaires avec lui. C'est-à-dire, il y a encore de l'excommunication. Et ces trois sont à la fois les mêmes tests que nous trouvons chez 1 Jean. Mais ça, c'est toute une autre discussion, comment discerner cela, et comment réagir, pas avec légalisme, mais avec amour. Et le point de discipline, en fin de compte, c'est pour nourrir les saints, pour les protéger, pour les corriger, pour les améliorer, pour les faire grandir. Mais dans les cas extrêmes, oui, ça prend l'excommunication et il faut gagner de discernement. Oui. Mais il y a des passages qui traitent tout cela. Pas ce passage. Ce passage fait une distinction entre brebis et boue pour insister qu'il y a une manière d'attendre le Seigneur et son arrivée à la fin de l'âge, qui est attaché à notre forme d'identification. Est-ce que nous sommes identifiés avec les plus petits de Jésus, les frères de Jésus, les vrais chrétiens, ou non? Et en fin de compte, à la fin de l'âge, c'est lui qui décide. Cette question n'est pas abordée ici. Vous voyez, parce qu'après tout, ce passage ne s'intéresse pas, en fin de compte, à nous donner des consolations psychologiques afin que nous puissions être assurés que notre ministère est vraiment fructueux. Ce n'est pas le point. C'est une question de notre identification avec les plus petits de Jésus. C'est tout. C'est tout. Et on laisse le reste dans les mains de Dieu. Et si nous avons des responsabilités dans l'Assemblée, des fois il faut discerner, des fois il faut confronter ces personnes et leur dire, vous vous dites chrétien, est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez des trésors aux cieux, au ciel? Est-ce que vous aimez les autres? Est-ce que vous êtes comme les personnes mentionnées à la fin d'Hébreux chapitre 5, au début de chapitre 6, à ce point, vous devez être maître et maintenant vous ne prenez rien que le lait. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Donc, il y a des places pour s'approcher de ces soi-disant brebis et qui peut-être ne sont vraiment même pas convertis. Et un bon pasteur, de bons anciens, vont faire cela d'une façon douce, sans doute, mais ils vont faire. Ça fait partie d'être un pasteur, ça. Mais ce n'est pas la question abordée ici. Oui, ah oui, exactement. Mais il faut admettre qu'il y a un grand nombre d'églises qui n'ont pas des pasteurs bien informés de la parole de Dieu ou bien expérimentés. Ils ne connaissent véritablement pas leur Nouveau Testament d'une façon profonde. Il y a des pasteurs comme cela, il y a des églises, comme, il faut l'admettre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que Jésus, dans ses paraboles, explique toutes les faillites que nous sommes en train d'accomplir dans nos assemblées ou qu'il nous donne des principes, comment agir, comment réagir et dans ce cas, comment attendre à la fin? Du point de vue d'herméneutique, maintenant, comment lire la parole? Quoi apprendre de la parole? Il est important, il est extrêmement important que nous n'exigeons pas qu'un tel et tel texte répond à nos questions quand nos questions sont plus importantes dans notre vie que les questions qu'élève Jésus lui-même. Maintenant, en général, ces questions qui nous intéressent, il y a d'autres textes, autre part, dans la parole de Dieu, qui s'adressent à ces questions. Oui. Peut-être ce sont de bonnes questions, mais nous allons tordre le texte si nous essayons toujours de demander que ces textes répondent à nos questions quand ces questions ne sont pas en vue. C'est un principe fondamental de l'exégèse. Est-ce que vous avez tous compris la question? En bref, ce que notre frère demande, c'est ceci, je pense. Vous allez me corriger si j'ai mal compris. En bref, est-ce que la chute humaine a changé les circonstances de la vie des animaux? Avant cela, peut-être pas de mort du tout. Ou est-ce qu'il y avait déjà la mort dans la vie naturelle avant la chute d'Adam? Est-ce qu'on dit d'Adam ou d'Adam? D'Adam, oui. Est-ce que c'était en fin de compte la question? Et il faut admettre qu'il y a de chrétiens sincères et orthodoxes les deux côtés de cette question. À moins, peut-être, qu'on veut dire qu'Henri Blocher n'est pas orthodoxe. La vie est compliquée, n'est-ce pas? Et si j'avais une autre dizaine d'heures, je serais prêt à essayer d'y répondre en détail. En partie, nous voulons avoir des réponses à cette question afin que nous puissions répondre à ceux dans notre société qui sont tellement donnés, non pas tout simplement à toutes sortes d'évolutions, mais à une sorte d'évolution dans un monde complètement naturel, en fin de compte. Assez souvent dans les missions, dans les universités, je prêche sur Genèse 3, assez souvent. Savez-vous les personnes qui me troublent le plus dans le temps des questions? Ce ne sont pas les athées. Ce ne sont pas les naturalistes. Non, ce sont toujours les chrétiens. Qui veulent tous savoir si je suis supralapsérien ou infralapsérien. Si je pense que cette semaine de création a eu lieu en 4004 BC avant Christ, ou s'il y avait plus de temps que cela, et ainsi de suite. L'approche de Francis Schaeffer, assez connue, et bien de ses livres ont été traduits en français, m'a beaucoup aidé il y a 35 ans. Il a écrit un livre, le titre en anglais, c'est « Genesis in Space and Time », le livre de Genèse dans l'espace et dans le temps, où il pose tout simplement une question assez simple. C'est cette question-ci. Quelles sont les moindres choses que nous devons apprendre de Genèse 1 à 11 pour faire du bon sens du reste de la Bible? Notez bien, ça ne dit pas quelles sont toutes les vérités qu'il faut apprendre de ces chapitres. Mais quelles sont les moindres choses qu'il faut voir, qui sont véritablement là dans le texte pour faire du bon sens du reste de la Bible? Maintenant, si j'ai 15 heures sur chapitre 1 et chapitre 2, je suis prêt à aller beaucoup plus loin. Ligne après ligne, évaluer ceci, évaluer cela, et ainsi de suite. Probablement, l'Assemblée sera divisée quand même, mais je suis prêt à le faire. Mais dans un contexte d'évangélisation, je pose toujours la question, quelles sont les choses que nous devons apprendre, que nous devons souligner, qui doivent être vraies pour que le reste de la Bible fait du bon sens. Et je souligne ces choses. Et je commence souvent avec 5 minutes de citations chez les scientifiques, par exemple, qui admettent comment ils... Combien de choses qu'ils ne comprennent pas en ce qui concerne le début de tout le monde. Et combien de choses aussi parmi les experts de la Bible où, franchement, il y a des questions d'herméneutique et le genre de ces chapitres et tout cela qui leur donnent un peu d'humilité dans leurs interprétations. Comment comprendre même ce que c'est un symbole? Il y a des questions à poser. Mais, à la fin, quelles sont les choses nécessaires à comprendre et à croire de ces chapitres qui font du bon sens de toute la parole de Dieu et sans lesquelles on perd les notions fondamentales de doctrine? On perd ce que c'est le péché, on perd Dieu, on perd la création, on perd quoi que ce soit. C'est une bonne question. De même façon, le livre que j'ai mentionné de Tim Keller, The Reason for God, il a inventé une expression que j'aime, defeater beliefs, c'est-à-dire des croyances qui nous vainquent. Comment est-ce que... Défaitistes, c'est encore plus fort que cela. Qui nous défait, est-ce qu'on peut, ou qui défait d'autres croyances? Écrasant, disons, je vais l'expliquer ensuite, vous pouvez le traduire. Pour lui, un defeater belief, une croyance est une croyance qui vaincre d'autres croyances. Par exemple, si vous croyez avec tout votre cœur, qui est assez commun aujourd'hui dans le monde francophone, dans l'Amérique du Nord aussi, si vous croyez avec tout votre cœur qu'il n'y a pas un seul chemin vers la vérité religieuse, si vous croyez cela. Donc, si un chrétien vous approche et il dit « Jésus est le seul chemin », il a déjà une croyance qui écrase votre croyance. C'est un defeater belief. C'est une croyance écrasante pour les autres croyances. Si vous croyez complètement dans la vérité de la vie naturelle, il n'y a pas de vie surnaturelle. Alors, comment parler de Dieu? Vous voyez, ce sont des defeater beliefs. Et souvent, dans ce monde, ce côté-ci de l'éclaircissement, dans ce monde naturaliste, dans ce monde de plus en plus athée, pas tout simplement avec l'emphase sur la laïcité, mais plus que cela, il y a des defeater beliefs qui sont tellement profonds dans la société que quand nous parlons de Jésus ou de Dieu ou du péché ou quoi que ce soit, c'est tellement facile de les écraser parce que nous avons déjà des croyances nous-mêmes qui les écrasent. On peut les éliminer immédiatement. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de les examiner. Maintenant, si on est musulman, on peut évaluer peut-être les soi-disant croyances des chrétiens, mais si nous avons des croyances de la sorte defeater belief, ça élimine toute discussion à cet égard. Donc, si nous sommes musulmans bien instruits, la Sainte Trinité ne fait pas du sens du tout. Déjà, notre croyance en Allah est une croyance écrasante en ce qui concerne la Sainte Trinité. Defeater beliefs. Donc, ça fait partie de notre apologétique, de notre témoignage. Comment écraser les croyances écrasantes? How to defeat the defeater beliefs. Vous voyez? Maintenant, si nous faisons toute notre évangélisation, comme c'était possible de faire, surtout en Amérique du Nord, surtout dans le Sud, il y a 30 ans, où il y avait un grand nombre des églises, un grand nombre de personnes, un grand pourcentage qui était élevé dans un sens ou un autre dans la foi chrétienne. Donc, je n'avais pas besoin de défendre un cas pour une loi morale ou l'existence de Dieu, ou jugement final, ou que Dieu est personnel, ou que Dieu aime. Ce n'était pas nécessaire de défendre cela, parce que ça faisait partie de l'héritage, vous savez. Mais aussitôt que je me rends à Bangkok, par exemple, où le bouddhisme règne, tout d'un coup, il y a une autre rangée de defeat beliefs. Et pour présenter le Christ, il faut interagir, n'est-ce pas, avec cette rangée de defeated beliefs, même pour avoir un auditoire, pour avoir des lecteurs, pour avoir des personnes qui sont prêtes, même à évaluer ce que vous dites. Ça fait partie de notre responsabilité comme témoin de Jésus-Christ, vous voyez? Mais on ne peut pas prétendre que si nous apprenons comment faire cela, ça va garantir que les personnes vont devenir sauvées. En fin de compte, ça prend l'Esprit de Dieu qui ôte notre aveuglement et tout cela. Mais de même façon que l'apôtre Paul ne dit pas exactement la même chose dans son évangélisation dans une synagogue en Antioche en Pisidie, dans Actes chapitre 13, qu'il dit à Athènes quand il est en train d'évangéliser les intellectuels, les érudits païens, là où il fallait établir la base, le cadre dans lequel on peut faire du bon sens de Jésus. Autrement, on ne peut pas faire du bon sens de Jésus. Donc, il a essayé d'établir, il y a un seul Dieu. Il est le Créateur, il est le Dieu de Providence, il est souverain, n'a besoin de rien. Toutes les choses qui étaient mal comprises ou même contredites dans les religions païennes, il fallait établir tout cela. Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Qu'est-ce que c'est le péché? Même une philosophie de temps. Après tout, parmi un grand pourcentage des païens grecs, le temps allait en cercle. On est à peu près comme chez les hindous aujourd'hui, mais lui, il dit, il y a création, et jusqu'à ce point, Dieu démontrait sa patience, mais maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé, qui change tout, et maintenant, Dieu exige que les hommes partout se repentissent, et un jour, il y aura un jugement. Voyez-vous, il y a une philosophie d'histoire qu'il faut établir pour faire sens, pour faire du bon sens de l'histoire biblique, vous voyez? Parce qu'il sait bien qu'il y a une autre rangée de defeated beliefs. Mais à cet égard, Tim Keller est extrêmement fort. Il sait comment répondre à ces defeated beliefs. Et ce n'est pas nécessaire qu'on réponde à toute question que les chrétiens peuvent soulever pour devenir un peu fidèle et effectueux dans ce monde. Mais il est important qu'on apprend quels sont les defeated beliefs dans notre société, ces croyances écrasantes, et comment essayer de répondre d'une façon fidèle et humble et juste. Et c'est à ce point, il me semble, que ce livre par Keller peut-être pourra vous aider. Par la même explication que nous avons pour le diable lui-même. Est-ce que Dieu l'a créé méchant ou est-ce qu'il est devenu méchant en se rebellant contre Dieu? C'est-à-dire, la rébellion n'est pas une chose créée. La rébellion est une réaction méchante, mais ce n'est pas quelque chose créé. La question doit être posé dans une autre manière, il me semble. C'est toujours un peu méchant de corriger la question, hein? Oui, oui. Mais comment est-ce que nous pouvons être certains, quand nous serons parfaits dans les nouveaux cieux sur la nouvelle terre, quand nous serons de nouveau parfaits, que nous ne tomberons pas encore? Si Adam et Ève sont tombés et ils n'étaient pas à ce point pécheurs, ils sont devenus pécheurs à cause du fait qu'ils se sont mis en rébellion. Qui peut garantir que nous ne pourrons pas tomber de nouveau dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre et commencer tout un autre cycle? Et je dirais quand même, c'est garanti. Dieu peut nous protéger afin que nous ne tomberions jamais. Eh bien, pourquoi ne l'a-t-il pas fait au début? Et la réponse? Mais la réponse la plus facile, c'est « je n'ai aucune idée ». Mais il y a une réponse qui va, il y a plusieurs réponses qui vont un peu plus loin que cela. Paul soulève exactement cette question. Peut-être Dieu voulait démontrer les richesses de sa gloire, même en nous donnant le pardon, pour nous créer, pour le privilège de le connaître. C'est une vision tellement centrée sur Dieu que nous ne savons presque pas quoi faire avec cela. Mais Paul peut soulever exactement cette question. Et il répond avec une autre question. Peut-être c'est ceci que Dieu voulait faire. Mais aller plus loin que ça, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. J'insiste tout simplement qu'Adam et Ève étaient bons. Et ce qui les a rendus pas bon, c'était le choix de rebeller. J'insiste quand même qu'au dernier jour, Dieu peut préserver les siens à ce point déjà perfectés par la grâce dans cette nouvelle création, dans ce corps de résurrection. Dieu peut nous préserver et nous pouvons être assurés que nous ne tomberons jamais davantage. Mais aller beaucoup plus loin que cela, je peux soulever des questions comme fait l'apôtre Paul. Et à part de cela, je ferme la bouche et j'adore. Je dis tout simplement que tout ce que Dieu a créé était bon, s'y inclut tous les anges, s'y inclut l'ange qui est devenu Satan. Mais ça ne veut donc il y avait encore la rébellion. Autrement, parce que ça c'est quelque chose que le texte souligne, tout ce qu'il a créé était bon. Dieu est bon, il n'est jamais pas bon, il est toujours bon. Comme chez Jacques chapitre 1. Chez lui, il n'y a pas d'ombre. Même ici, je mets ma main ici parce qu'il y a de la lumière qui vient de là, et donc il y a des ombrages ici. Il y a des ombres, hein? Mais chez Dieu, il n'y a pas d'ombre. Il est complètement lumière. Il est toujours bon. Il n'est jamais moins que bon. Et ce qu'il a créé était bon. Donc l'activité du Satan, ce n'est pas comme s'il y a deux principes éternels, un Dieu et un Satan. Comme la force dans les films, hein? La force, une côté bonne, une côté mauvaise. Ce n'est pas ça. Mais ça revient donc à la même chose. D'où vient sa rébellion? Et je dis tout simplement que ce que Dieu avait créé était bon. Et ensuite, la rébellion. Aller beaucoup plus loin que cela, c'est la spéculation pure et simple. Toutes sortes de possibilités, mais rien qu'on peut prouver. Le texte ne suggère pas que quelques journées ou quelques semaines, quelques mois, quelques années sont découlées avant la chute d'Adam. Ce que le texte nous dit, c'est qu'elle a pris de ce fruit et elle a donné de ce fruit à Adam, puis elle a en mangé. Probablement, apparemment, le même temps. Et même si Adam était là et il n'a rien dit quand sa femme a pris ce fruit, ça explique aussi ce que Dieu lui dit dans verset 17. Tu as écouté la voix de ton épouse. Tu ne m'as pas écouté. Pourquoi introduire une longue distance entre les deux? Pourquoi pas tous les deux tombés à la fois? Pourquoi introduire un problème qui n'est pas indiqué par le texte? Je ne vois pas davantage. Seulement pour blâmer la femme. Mais pourquoi Ève. Le premier, est-ce que c'était parce qu'elle était plus faible? L'autre côté répond, Adam a été séduit par son épouse, ça a pris le diable lui-même pour séduire Ève. Des évaluations comme cela sont intéressantes, mais ce n'est pas le point. Hein? Adam et Ève sont tombés en rébellion contre Dieu. Ils ont choisi de poursuivre leur propre évaluation de ce qui est bon, de ce qui est mal. De se rébeller contre Dieu, c'était une espèce d'idolâtrie. Et Adam était la tête de la race, en effet. C'était lui qui était créé le premier, et en lui, tout le reste sont tombés. Mais probablement, lui et son épouse sont tombés à la fois. Probablement. Le texte ne souligne pas, mais il ne souligne pas d'autres choses non plus. Pourquoi introduire des problèmes? Je n'aime pas le mot « domination ». Non, non, non. Mais quand même, je m'aperçois que le texte nous dit que Dieu l'a créé comme une aide pour lui. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 2, quand l'apôtre Paul veut essayer de faire une distinction de rôle, pas de valeur, mais de rôle, il distingue entre qui a été créé le premier. Et ce n'est pas tout simplement une question de précédence, parce que les cochons étaient créés avant les deux. Mais précédence en ce qui concerne qui était créé pour qui. Ça, c'est le point. Et ensuite, précédence dans la chute. Et il n'y a pas de spéculation là dans la question en ce qui concerne... qui était plus fou, plus folle, ou moins discernante. Il n'y a pas de spéculation comme cela. Dans la choix de l'Éternel, Adam a été créé le premier et ensuite Ève pour lui. Création, avant la chute. Et dans la chute, elle était premièrement déçue. C'est tout ce que ça dit. Et il est presque impossible de choisir des faits de la vie moins limités par la culture que ces deux choses, c'est-à-dire la création et la chute. Pensez donc qu'un Timothée 2 est limité par des questions culturelles à Éphèse ou quelque chose comme ça. Ça ne fait vraiment pas du bon sens du texte. Est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que c'est possible que Jésus pleurait parce que Lazare était déjà au ciel et Jésus pleurait parce qu'il fallait le ramener? Comme vous avez bien dit, c'est une spéculation merveilleuse, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre chose à dire en faveur de cela. Et ça n'explique certainement pas la raison pour laquelle il était outragé. Est-ce que vous avez entendu la question? Premièrement, ce n'est pas toujours dans les cinq. Le premier, être prêt n'importe quand, ce n'est pas une activité, c'est seulement être prêt. Ça veut dire attendre. Et même le troisième, attendre pour longtemps, c'est encore attendre, mais pour longtemps, être prêt pour un long délai. C'est surtout le quatrième et le cinquième. Le deuxième, le quatrième et le cinquième qui ont une activité qui est soulignée. Et tout ce que je dirais pour les autres passages qui parlent de notre attente et tout cela, ça dépend encore du contexte. Il faut toujours examiner le contexte pour examiner ce qui est souligné ou non. On ne peut pas faire une généralisation, il me semble. Toujours le contexte règne. Je ne voudrais jamais défendre de mauvaises conclusions d'un texte compris. C'est-à-dire, des fois, on peut avoir une bonne exégèse et ensuite en tirer des applications qui sont injustes. Par exemple, même si vous croyez qu'il y a une distinction de rôle dans le Nouveau Testament, dans ce passage, disons, 1 Corinthiens 11 ou chez 1 Pierre ou quoi que ce soit, même si vous décidez cela, est-ce que ça signale que c'est une bonne chose si on paie les femmes moins quand ils font exactement le même travail avec le même degré d'expérience dans une compagnie que les hommes? Pourquoi en tirer une telle conclusion? Ça, c'est tout simplement l'injustice. Vous voyez? Donc, de même que je ne veux pas domestiquer ces textes, à cause des voies présentes culturelles. Je ne veux pas dire non plus que chaque conclusion que nos grands-parents et grands-grands-parents ont tirée de ces textes pour préserver une certaine structure de société est nécessairement fidèle. Revenons à la Bible. Il faut nous corriger tout le temps de la parole de Dieu. Et il ne faut pas éviter ce que dit la Bible quand la culture va dans une direction ou quand la culture va dans une autre direction. Il faut toujours retourner à la Bible. À part de cela, tout ce que je dirais, ça serait de donner exemple après exemple après exemple après exemple et examiner avec une personne, soit vous, soit une autre personne, que dit la parole de Dieu ici. Donc, c'est pour cette raison qu'assez souvent, quand une telle et telle position est avancée, ou une spéculation, une suggestion, quoi, que dit la parole? Je ne veux pas croire moins que la parole enseigne. Mais je ne veux pas ajouter de quoi à la parole non plus et insister que c'est Dieu qui parle quand Dieu ne parle pas. Comment comprendre que l'apôtre Paul, à la fois, peut dire en effet qu'il était tenté au-delà de sa force et de l'autre côté, que Dieu lui avait été fidèle à cet égard, pardon? Et, oui, exactement. Et je dis tout... Des fois, nous... Non, je commence dans un autre quartier. Êtes-vous mathématicien, ingénieur? Non? Qu'est-ce que vous faites? Quelle vocation est-ce que vous poursuivez? La raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que souvent nous voulons faire une exégèse qui n'écoute pas bien la force de la rhétorique. C'est-à-dire, dans une conversation, je peux dire, je suis tellement découragé, je ne sais pas comment je vais arranger cette affaire. Peut-être je vais détruire cette organisation que je viens de commencer. Je suis complètement bouleversé. Et 3 jours plus tard, je pourrais dire, Dieu est tellement fidèle, je sais qu'il va me soutenir. Maintenant, mettre ces deux phrases ensemble, ces deux expressions ensemble, du point de vue de logique simple, ça ne va pas. Du point de vue de l'expérience et de notre rhétorique, ça fait beaucoup du bon sens. Pareillement, David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à la fin du même chapitre, il a pleine confiance dans son Dieu. La rhétorique n'est pas toujours le langage de mathématiques où chaque phrase a sa place dans une boîte quelque part, puis on peut ajouter les boîtes, une boîte à une autre pour faire toute une construction théologique. Il y a bien des expressions qui... dépeint en effet les cris du cœur, la perception humaine où nous sommes à ce point. Pareillement dans Philippiens chapitre 1, c'est vraiment difficile de comprendre Philippiens chapitre 1, il me semble, si vous poussez le langage de l'apôtre dans la direction de la mathématique, il dit à la fois, qu'est-ce que je préfère? Mourir immédiatement, aller au ciel, disparaître de ce corps, abandonner le corps, aller avec Christ, c'est beaucoup mieux. Oh, je sais que c'est bon pour vous que je sois ici, mais franchement, comment est-ce que je veux choisir? Je n'ai aucune idée. Comment choisir dans tout cela? Puis enfin, quand il dit, eh bien, je suis persuadé que je dois rester ici. D'où vient cela? Il vient de dire qu'il ne sait pas quoi choisir, qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas ce qu'il préfère. Et tout d'un coup, je ne sais pas d'où vient cela, il dit, et je suis persuadé que je dois rester ici. Et du point de vue de mathématiques, ça ne fait pas du bon sens du tout, il me semble. Du point de vue d'expérience, ça ne fait pas du bon sens. C'est la rhétorique, n'est-ce pas? Donc, quand il se sent complètement bouleversé, tenté, faible, ne sait pas quoi faire, il peut écrire d'une telle et telle façon. Et ailleurs, il peut dire, mais Dieu me soutient, je ne tombe pas, il me garde. Et d'essayer de mettre ces deux positions ensemble comme s'ils sont une espèce de formule mathématique, ça oublie comment fonctionne la rhétorique dans nos expressions de foi, il me semble. Est-ce que ça aide du tout? Vous n'avez que relire les psaumes pour voir ça assez souvent. Une des raisons pourquoi les jeunes, en général, n'aiment pas les psaumes, c'est parce qu'ils n'ont pas assez expérimenté. Plus que les personnes expérimentent la vie, les triomphes, les tragédies, la peine, la souffrance, la victoire, plus que les psaumes font du bon sens. Dans mon expérience, c'est presque toujours les vieillards qui apprécient les psaumes. Eh bien, jusqu'à ce point, je donne le prix à ce monsieur ici pour la meilleure voix pour poser les questions. Est-ce que je pourrais mentionner les différentes conceptions, perceptions du bien et du mal dans les différentes philosophies? Mais j'ai mentionné quelques-uns assez vite, dans à peu près 3 minutes. Je ne voudrais pas prendre une demi-heure à ce sujet, mais par exemple, chez les gnostiques en général faisaient une distinction néoplatonique entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Ils en tiraient 2 conclusions différentes. Un groupe devenait de plus en plus ascète, de plus en plus, ils devenaient des ascétiques, en effet, parce qu'il fallait, soumettre le corps plus bas que l'esprit, afin que l'esprit s'élève. L'autre côté disait, en effet, eh bien, le corps, ça ne vaut rien, donc je peux prouver que je suis libre en péchant beaucoup, parce que ça ne signale rien, ça va descendre dans la poussière, puis ça ne fait rien, c'est mon esprit qui est important. Donc, pour être vraiment spirituel, je peux démontrer ce qui est spirituel en moi en méprisant mon corps, même. Donc, il y avait 2 tracts différents, il me semble, qui sortaient du gnosticisme. Dans l'image d'hindouisme, toute réalité se trouve dans un grand cercle de karma, de toutes choses, bon, mal, tout. C'est dans un système de karma où il y a des cycles où on peut s'avancer, s'élever ou encore tomber de nouveau par la qualité de nos vies et ainsi de suite, sous un système de millions de dieux et de déesses. Et donc, chez le bouddhisme, il y a un secte qui comprend au moins un peu de grâce. Chez l'hindouisme, c'est complètement, véritablement, un système de bonnes œuvres pour avancer ou tomber dans ce système de karma. Il y a des cycles de tout cela, vous voyez. Et ainsi de suite. Chez les naturalistes aujourd'hui, Ça dépend. Ça dépend beaucoup de leur philosophie. Et il y a des athées aujourd'hui, des naturalistes aujourd'hui, ceux qui sont convaincus que le naturalisme a raison, qui disent en effet que chaque système de valeurs, chaque décision de bon ou de mal, c'est seulement le résultat d'un héritage culturel. Il n'y a pas une ontologie de bien ou du mal dans tout cela. Mais il y a d'autres qui s'appellent maintenant des sociobiologistes, qui disent en effet que c'est l'évolution elle-même qui nous a préparés pour déclarer certaines choses qui sont bonnes, d'autres choses qui sont mauvaises, selon le patron de notre évolution même. Et, à maintes reprises, pour d'autres, c'est une question de gène tout simplement. Il n'y a rien d'ontologique, mais seulement la décision des gènes. Et donc, notre colère, j'ai le gène de colère moi-même, franchement. Et si vous pouvez ôter ce gène de colère, ça accomplirait ma perfection. Hein? Ou un gène de quoi? De convoitise ou d'orgueil ou quoi que ce soit. Il y a des biologistes aujourd'hui qui pensent qu'ils vont tout régler même par les gènes. Ils ne donnent aucune place même pour les faillites de culture ou pour la... C'est l'ancien débat entre nature et pratique, nature et culture, hein? Et ça revient dans chaque génération d'une forme ou une autre. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais en fin de compte, chez les maoïstes, ça dépend complètement des structures sociales. Eh bien, c'est déjà 6h15 et il fait chaud, et ce n'est pas le temps d'aborder le troisième pilier, donc amusez-vous bien.